Oh, dis donc, figure-toi que je me suis fait arrêter par la police. Qu'est-ce que t'avais fait? Je roulais à 80, c'était limité à 70 à cause de la pollution. Et t'as pas prévu? 120 euros de PV. Oh, La belle amende. Et pas d'alternative? T'as discuté avec le flic? Non, non, non, bah, tu sais, là, il n'y a pas moyen de discuter. Hein. C'était, hop, Bon. vous payez tout de suite, terminé. Et t'avais ta ceinture? Oui, heureusement. Et t'avais pas bu? Ils t'ont pas fait souffler dans le ballon? Non, je n'ai pas soufflé dans le ballon. Non, non, non, non, bien sûr, Non, tu sais parce bien, je ne que bois pas. t'aurais eu la totale là. Ah non. Tu sais que maintenant, ils rigolent plus. Non, non. C'est Pas quoi? d'excès de vitesse non plus. Ouais. Ni alcool, ni vitesse. L'alcool, c'est quoi déjà? 25 grammes? 0,5 0,5, grammes ouais, pardon, de 0,5. litre par litre de sang. Ouais, mais t'avais rien vu du tout. Non. Bon. Et t'avais tout bien, tes papiers, ta carte grise, Oui, t'avais rien bah en oublié plus comme d'hab. la voiture était passée au contrôle technique la semaine dernière, donc je veux dire ça va quoi, c'est ok quoi. Et t'as quand même 120 Mais euros. oui, 120 euros, oui, alors ça Ouais, me mais. paraît un peu exagéré, je suis bien d'accord, hein, il faut des règles, hein, bien sûr, hein, mais Ouais, ben oui, mais écoute, bon, c'est sûr que là, il s'agit de d'un petit excès de vitesse, mais bon, je crois que c'est la répression, c'est quand même la clé de la sécurité, y compris pour l'alcool, pour les excès de vitesse. Tu sais, je crois qu'il faut pas compter sur le sens civique de nos concitoyens. Bon, je suis vraiment désolée que ce soit tombé sur toi, hein, et puis là, c'est pas bien grave, mais bon. Bon, enfin, le tout répressif, c'est jamais une solution, quoi. Il faut quand même une marge de tolérance. Bon, 10 km heure de trop, ça me paraît un peu excessif, quoi. Bon, ouais, dans ce cas-là, je suis assez d'accord, mais bon, c'est à voir.